La Pampasie argentine s'étend du 34e au 40e degré de latitude australe. Le mot « pampa » d'origine araucanienne signifie « pleine d'herbe » et s'applique justement à cette région. On partit des lobes, vérification faite de la route. Thalcave en avant battait les buissons. Il effrayait ainsi les cholinas, vipères de la plus dangereuse espèce. La Jiltaoka bondissait au-dessus des broussailles et aidait son maître à frayer un passage aux chevaux qui le suivaient. Le voyage, sur ces plaines unies et droites, s'accomplissait donc facilement et rapidement. Il fallait être un Paganel pour prendre intérêt aux détails de la route. Un buisson, un brin d'herbe, cela lui suffisait pour exciter sa faconde inépuisable et instruire Robert, qui se plaisait à l'écouter. Pendant cette journée du 29 octobre, la plaine se déroula devant les voyageurs avec son uniformité infinie. Le soir, on s'arrêta près d'un rancho abandonné, un entrelacement de branchages, mastiqué de boue et recouvert de chaume. À quelques pas du rancho était creusé un trou qui servait de cuisine. Le maté est une boisson forte en usage dans l'Amérique du Sud. C'est le thé des Indiens. À la demande de Paganel, Thalcave prépara quelques tas de ce breuvage qui accompagna fort avantageusement les comestibles ordinaires et fut déclaré excellent. Le lendemain, 30 octobre, le soleil se leva dans une brume ardente. On reprit courageusement la route de l'Est. Vers le milieu de la journée, quelques changements se produisirent dans la pampa. Ces symptômes d'une croissante sécheresse ne pouvaient être méconnus, et Thalcave les fit remarquer. Cependant, quand Wilson avait dit que la provision d'eau ne manquerait pas, il comptait sur la soif inextinguible qui dévora ses compagnons pendant cette journée. En effet, non seulement les rios manquaient, mais les mares artificielles creusées de la main des Indiens étaient également taries. Paganel fit quelques observations à Thalcave et lui demanda où il comptait trouver de l'eau. « Au lac Salinas, » répondit l'Indien. « Et quand y arriverons-nous ? Demain soir. » Il fallut donc se rationner. Le soir, on fit halte après une traite de 30 milles. Dès l'aube naissante, il s'agissait d'arriver le jour même au lac Salinas. Pendant cette journée, la monotonie du voyage fut un instant interrompue par la rencontre d'une dizaine d'indigènes qui s'approchèrent à une centaine de pas avant de prendre la fuite. À 8 heures du soir, Thalcave, ayant poussé une pointe en avant, signala les barrancas du lac tant désiré. Un quart d'heure après, la petite troupe descendait les berges du Salinas. Mais là, l'attendait une grave déception. Le lac était à sec.